Apparition. Ce soir-là, en rentrant, longeant le nez au vent la petite place éclairée par les lampadaires de la ville, mon regard est happé par une forme qui semble danser sous les arbres. Intrigué par le phénomène, je ralentis mon allure jusqu'à m'arrêter sans un bruit, afin d'étancher ma curiosité tout en restant dans l'anonymat le plus complet. À l'abri de la lumière révélatrice du réverbère, j'assiste à un spectacle étrange. Les branches des arbres de la placette semblent se pencher chacune à leur tour vers l'ombre mobile, avant de se détendre comme des ressorts quelques instants plus tard. La forme, à bien y regarder, me paraît tout à fait féminine. Je distingue une robe et des jambes graciles, animées d'une légèreté quasi aérienne. Je suis en train de contempler une boîte à musique d'un mécanisme ingénieux, où la danseuse, tournant sur elle-même, dirige ses membres avec élégance, montant et descendant grâce à une multitude de rouages invisibles, dans un décor végétal fait de plaques de métal peintes. J'entends la petite musique aiguë qui émane de la place, qui tourne elle aussi à présent. Tapis dans l'obscurité profonde, les sens chatouillés par ces sensations d'un autre âge, d'une autre terre, je sais qu'il est impossible que la danseuse d'aluminium me remarque. Je suis un spectateur fasciné, transporté, mais toujours discret. Pourtant, un morceau de métal de mon vélo qui a reflété la lumière dans la pénombre, un soupir de ravissement qui s'est échappé de mes poumons par mégarde. Je vois la danseuse s'immobiliser un instant, puis pivoter sur elle-même d'un mouvement parfaitement huilé, avant de lancer un « bonsoir » semblable à une petite pluie de grelots très serrés, très jolis. La mécanique rentre alors dans une nouvelle phase quand la danseuse se met en route dans ma direction, le long d'une glissière, je le présume, habilement dissimulée sous les pavés de la place par un génie de l'engrenage. Pris les yeux dans le sac, je m'immobilise un instant, puis réalise le danger. Erratant tout d'abord les pédales, me mélangeant les pieds, recommençant mon manège malhabile en moulinant dans le vide, piochant malgré moi mes gestes dans le grand catalogue des maladresses, j'actionne soudain, je ne sais comment, les manivelles. Le cœur prêt à exploser, je vois ma bicyclette se mettre en branle, grimper dardard en me propulsant vers la rue de la Bâtisse qui défile à toute vitesse. À la faible lueur de mon phare, je fonce dans les allées obscures, je prends à droite, à gauche, je circule à contresens dans des petites rues, je cahote sur des boulevards pavés presque impraticables en vélo, le visage bouffon de soubresaut. Je négocie des virages à la limite de l'adhérence en évitant les lignes droites trop longues pour être certain de semer une éventuelle poursuivante. Je me sens épié par une Big Sister omniprésente. Je suis un grand paranoïaque, le talent en moins. Un coup d'œil périphérique m'apprend que je suis seul, tantôt précédé, tantôt suivi par une ombre qui n'est que la mienne, projetée sur le sol par les réverbères de la ville. Mon cœur reprend alors peu à peu son rythme régulier, tandis que je poursuis mon chemin jusqu'à ma maison à une allure soutenue, expulsant par la bouche mes humeurs apeurées, bouleversé par le spectacle auquel je viens d'assister. L'image me marque au fer rouge pour toute la soirée, et la musique jolie mais trop forte qui monopolise l'ensemble de mes facultés sensorielles m'empêche de me concentrer sur quoi que ce soit. Je crois bien qu'elle me poursuive, elle et la poupée de métal, jusque dans mes rêves.